Donc, tout d'abord, les éléments que je voudrais vous présenter aujourd'hui sont issus d'une étude qui est actuellement en cours d'achèvement, qui est réalisée par le département des Vosges et la région Grand Est, donc à travers le service de l'inventaire général du patrimoine culturel de Lorraine. Et donc, cette étude concerne les édicules liées à l'eau dans le département des Vosges. Donc, ça présente une grande variété. À peu près 2500 éléments ont été recensés, principalement des édifices publics, donc à savoir les fontaines, lavoirs, les puits, et également tout ce qui est château d'eau et bain-douche. Donc cette grande variété, je ne vais pas vous la présenter aujourd'hui, on va juste se concentrer sur une toute petite partie, à savoir donc, les sources miraculeuses, on va reprendre dans le bon sens le PowerPoint. Ah, et il passe à la fin, je recommence. Il ne veut pas passer. Voilà, c'est bon. Donc, les sources miraculeuses et les fontaines commémoratives des Vosges. Donc, ça représente, comme je vous disais, une toute petite partie du corpus de l'étude, donc à peu près 130 sites répartis sur l'ensemble du département des Vosges, donc aussi bien sur la montagne qu'on vient d'évoquer que sur la plaine. Ça représente à peu près 5% du corpus. Et donc, ces sources miraculeuses sont principalement liées à la dévotion et aux croyances religieuses, et elles peuvent paraître un peu éloignées du principe de fontaine commémorative, donc liées à des événements historiques. Mais on va voir que finalement, il y a un lien assez proche, assez direct, notamment avec la mise en avant de saints qui vont être mis en avant justement pour un objectif politique ou idéologique. Dans un premier temps, nous allons voir donc les sources miraculeuses et de dévotion intime, donc c'est-à-dire la démarche personnelle que vont faire les gens qui vont aller voir ces sources, soit pour soi-même, soit pour un proche, donc dans une démarche personnelle. Dans un deuxième temps, on verra l'utilisation des saints et de leurs fontaines au service d'un territoire. Donc comment on va associer une source à un saint pour pouvoir avoir une vision particulière du territoire. Et puis, troisièmement, on verra donc les fontaines commémoratives qui se mettent au service de la collectivité. Donc, comment une commune va utiliser la mise en place d'un service d'adduction d'eau pour faire passer un message idéologique ou politique. Donc, tout d'abord, les sources miraculeuses et de dévotion intime. Alors, quand on parle de sources miraculeuses, l'idée qui nous vient souvent à première vue, c'est la grotte de Lourdes, c'est un peu l'archétype des sources miraculeuses. Il va y avoir une grande effervescence à partir de 1873 autour des pèlerinages qui vont être organisés à Lourdes, mais tout le monde ne peut pas se rendre jusqu'à Lourdes, c'est un voyage qui est quand même long et coûteux, et donc très vite on va avoir l'idée de créer des répliques de cette grotte de Lourdes. J'en ai recensé à peu près une vingtaine pour l'instant dans le département des Vosges, donc elles sont à peu près toutes sur le même principe avec la grotte et la représentation de la Vierge. Mais en parallèle de ces grottes de Lourdes, on a aussi des sources miraculeuses dans les Vosges où on vient demander l'aide de la Vierge de manière traditionnelle, donc des sources qui sont bien plus anciennes. Oh, décidément, je suis désolée, ça ne veut pas. On va y arriver. Donc voilà, des sources qui sont dédiées donc à la Vierge de manière traditionnelle. Et où on va avoir du coup une association de la Vierge directe, c'est-à-dire que la Vierge est apparue dans ces sites, ou alors elle a elle a permis l'accomplissement d'un miracle. Ah oui, c'est ça. Merci. On a le cas par exemple ici à Montegoutte. Donc je pense si j'ai la souris. Oui, voilà. Donc, on a ici, par exemple, à Montegoutte, la légende qui nous raconte donc un bûcheron aurait trouvé cette statuette à l'intérieur d'un arbre et aurait fait construire donc la chapelle qui est juste derrière pour pouvoir abriter cette statuette et remercier la Vierge du miracle qu'elle aurait réalisé en soignant sa femme et ses deux filles de la cécité. Donc on voit bien ici le fait que sur une source, on va y implanter un édicule pour marquer la source et on va représenter donc la Vierge, soit sous forme de statuette, soit sous forme de peinture, pour marquer l'emplacement de cette source. Ce principe peut être pris aussi pour d'autres saints. Le fait d'utiliser une source ancienne pour la mettre en avant. Donc on peut voir des sources qui sont très anciennes, qui étaient déjà utilisées dans l'Antiquité et vénérées dans l'Antiquité, et qui vont donc du coup être christianisées au début de la période chrétienne. En effet, plutôt que de détruire les sources païennes et risquer de se mettre la population locale à dos, l'Église va inciter à la création de croix, d'oratoires, de chapelles pour christianiser ces sources. Et c'est notamment ce qu'a mis en place, par exemple, Saint Bal, qui est considéré comme l'un des principaux évangélisateurs de la Champagne et de la Lorraine. Et sa légende ici à Ligneville, par exemple, reprend l'image de Moïse qui, dans le désert, va frapper le sol de son bâton pour faire jaillir une source. Donc cette image va être reprise très souvent pour associer un saint à une source locale. Et le saint va donc faire un peu le lien entre la religion panthéiste et l'adoration d'un dieu unique. Alors j'ai repéré à peu près une cinquantaine de saints différents sur l'ensemble des Vosges, donc je ne vais pas vous faire toute la liste, mais je vais quand même vous en présenter quelques-uns pour vous donner un petit peu une idée de la manière dont les saints sont liés aux sources. Par exemple, ici à l'image de Sainte-Claire, qui est sollicitée pour guérir les maladies ophtalmiques, les saints vont être, on va dire, sollicités pour des maladies bien précises ou pour soigner une partie du corps ou en fonction de l'âge aussi. L'eau va être utilisée, on va dire, un peu comme une potion magique qu'il faut utiliser avec un rituel, donc avec des ablutions, avec des prières. On va laver la partie du corps malade ou un linge. Et la légende du saint va permettre de guider ce rituel pour donner l'ordre du rituel et ce qu'il faut faire. Et puis le saint va donc permettre d'améliorer encore l'efficacité de l'eau. On peut aussi, par exemple, aller voir une source de Sainte-Barbe pour les guérisons des maladies liées à la peau et aux brûlures, puisque c'est la protectrice des métiers liés au feu. On peut aussi faire guérir ses fièvres, par exemple, à la source de Saint-Élof, à Soulos ou Saint-Élof. Ou, par exemple, aller voir la source de Sainte-Libère à Grand pour guérir les infirmes. Cette source, par exemple, c'est l'exemple d'une source qui était déjà en fonctionnement, qui était déjà utilisée dans l'Antiquité dans le cadre du sanctuaire de Grand et qui va continuer à être utilisée par la suite par cette christianisation, par l'action de Sainte-Libère. Alors, en plus de ces fontaines thérapeutiques, on a d'autres fontaines de dévotion qu'on peut voir aussi. Qui sont des fontaines oraculaires, donc qui sont destinées plutôt à prédire un événement à venir. Elles sont généralement liées à des grands événements de la vie, la naissance, le mariage ou des maladies. Et comme pour les fontaines curatives, il va falloir procéder à un rituel pour en bénéficier, donc à la fois des prières, des pèlerinages, des ablutions, mais également des offrandes. On a par exemple des offrandes de alimentaires. À Martigny-les-Bains, par exemple, les jeunes mariés allaient déposer un gâteau dans la fontaine pour demander abondance. On peut déposer aussi des végétaux, donc notamment des fleurs ou des branches de sapin, comme on voit ici sur la carte postale. Ou ça peut être aussi des petits objets, type des épingles, qui vont être placés sur le bassin de la fontaine, comme ici à la fontaine Sainte-Sabine, à côté de Remiremont, où les jeunes filles venaient déposer une aiguille dans le bassin, et si l'aiguille flottait, ça annonçait un mariage prochainement. On va maintenant passer à la deuxième partie. Donc on va continuer sur l'étude de ces sources religieuses. Quand on regarde le corpus en entier, on se rend compte qu'il y a à la fois des fontaines anciennes, comme je viens de vous présenter, et puis il y a également des sources plus récentes. Décidément, j'y arriverai pas. Je suis désolée. J'appuie pas sur la bonne flèche à chaque fois, et du coup, ça m'envoie tout à la fin du PowerPoint. Donc, du coup, Donc les fontaines qu'on a dans ce corpus, on se rend compte que la plupart des saints qui sont associés aux fontaines sont des saints locaux, donc des hommes et des femmes qui ont vécu sur le territoire et qui sont directement liés à la fontaine dont ils dépendent. Les fontaines du coup vont être considérées comme une sorte de preuve de la vie du saint et de son appartenance au territoire, de la même manière que les rochers ou les arbres par exemple. Et ces fontaines peuvent être l'occasion, on va dire, de la création d'un centre spirituel autour. Et c'est vrai que quand on regarde la plupart des fondateurs des abbayes, ce sont des fondateurs qui sont devenus des saints, notamment en lien avec ces sources. Par exemple, ici, on a la fontaine, l'oratoire de Bonnefontaine, qui est liée à Saint Gondelbert, pardon, qui est le fondateur de l'abbaye de Senones. Et donc ces abbayes vont être bien sûr un moteur pour le territoire. Elles vont organiser par exemple des pèlerinages qui vont permettre de regrouper la communauté autour de bénéficier, on va dire, de la protection du saint fondateur et de rassembler la communauté autour de cette source. Ce qui peut être de différentes manières, soit sous forme de pèlerinage, soit comme ici au XIXe siècle, par exemple sur une représentation théâtrale. Et puis, si on regarde le corpus, on se rend compte qu'on a tout un ensemble de fontaines qui sont plus récentes, qui datent plutôt de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle, et qui sont situées plutôt en centre-ville des villages, pas perdues dans la forêt. Et ces fontaines sont généralement surmontées d'une statue. Donc ce sont des fontaines qui sont la plupart du temps liées à Jeanne d'Arc et à Saint-Pierre Fourier, qui sont deux saints locaux également. Ils ont également leur fontaine miraculeuse. On a par exemple ici la fontaine des Fiévreux, qui est juste en dessous de la basilique de Don Rémy. Mais il y a des fontaines aussi qui ne sont pas liées particulièrement à la vie du saint et qui du coup sont liées à d'autres facteurs. Notamment donc, à la fin du XIXe siècle, on est dans une période de renouveau du culte des saints. Je parlais tout à l'heure de la ferveur qu'il y a autour de la grotte de Lourdes, c'est toujours ce même mouvement. Et par exemple, l'évêque d'Orléans va relancer le culte de Jeanne d'Arc, notamment mettant en place la démarche de canonisation qui va aboutir en 1920. Et les villages qui sont autour du village natal de Jeanne d'Arc vont avoir envie aussi de mettre en avant cette célébrité locale. Et puis, il faut penser aussi qu'à partir de 1870, l'Alsace et la Moselle étant annexées, les Vosges deviennent un territoire de frontière, et donc Jeanne d'Arc va avoir une image particulière dans ce contexte. C'est un symbole d'unité nationale, c'est la protectrice de la France et de la Lorraine, et donc elle est toujours représentée en guerrière et associée au symbole de la fleur de lys et de la croix de Lorraine. L'autre personnage dont je vous parlais, donc, c'est Saint-Pierre Fourier, qui est un petit peu moins connu, qui était curé de Matincourt, donc à côté de Mirecourt, au XVIIe siècle, au moment où la Lorraine, il va être conseiller des dirigeants de Lorraine, au moment où la Lorraine va être annexée par le royaume de France. Donc du coup, à ce titre, il est lui aussi le protecteur de la Lorraine et va être remis en avant à partir de 1870. Mais à la différence de Jeanne d'Arc, qui a quand même une image plutôt belliqueuse et revancharde, Saint-Pierre Fourier, lui, c'est plutôt le pasteur bienfaisant, celui qui va aider la Lorraine à se reconstruire de ses ruines, celui qui va consoler après l'annexion. Et c'est ce qu'on a, par exemple, à travers sa devise, qui est inscrite ici sur la fontaine de Mirecourt, donc « Ne nuire à personne et être utile à tous ». Pour la troisième partie, on va continuer sur cette idée de fontaine liée à un message politique, mais au lieu de l'aborder de la manière religieuse, on va l'aborder par l'aspect civil. Alors ces fontaines commémoratives, j'en ai recensé à peu près une trentaine dans le département des Vosges, qui sont liées soit à des événements historiques, soit à la volonté d'une commune de mettre en valeur justement une idéologie particulière. Alors on peut évoquer la fontaine Stanislas à Saint-Dié-des-Vosges, qui a été construite en remerciement au duc de Lorraine suite à son aide lors de la reconstruction de la ville après le grand incendie de 1757. Et l'idée était de construire un grand monument imposant qui montre justement l'importance de ce remerciement. Cette fontaine va être inscrite dans un programme complet de réaménagement du centre-ville qui va permettre d'amener l'eau jusque dans le centre de la ville, donc ce qui représente une modernité à l'époque, à la fois pour les besoins quotidiens des habitants et pour constituer une réserve d'eau en cas d'incendie. Et puis si on continue à observer l'histoire de cette fontaine monumentale, on se rend compte qu'elle va être aussi un moyen d'appréhender la manière dont les valeurs, on va dire, ou les préoccupations des déodatiens en matière politique. Par exemple, au moment de la Révolution française, cette fontaine monumentale va être quasiment entièrement détruite, puisque en tant que fontaine Stanislas, elle représente l'ancien régime. Et puis, à partir de 1807, au moment où la situation s'apaise un peu, on va reconstruire ce monument et on va lui appliquer notamment une plaque commémorative rappelant l'histoire du monument dès l'origine. Et puis, si on regarde au moment de la Deuxième Guerre mondiale, le monument va être à peu près épargné, alors que quasiment toute la ville va être détruite. Et lorsqu'on va reconstruire la ville, on va en profiter pour mettre en place un système d'adduction d'eau complet qui amène l'eau jusque dans chaque habitation. Et donc, du coup, la fontaine va perdre un peu de son utilité en plein centre. Puis en plus, elle ne s'intègre pas vraiment dans le nouveau parvis de l'hôtel de Vigne avec des lignes très modernes. Donc on va le repousser en périphérie du centre-ville, là où elle se trouve aujourd'hui, donc sur la place du Point du Jour. Autre exemple de construction de fontaine qui marque justement l'engagement politique d'une commune et son positionnement vis-à-vis du pouvoir politique en place au niveau national à ce moment-là, c'est la fontaine qui est construite en 1773 à Raon-l'Étape sur la place de la République. Donc c'est la grande fontaine qui est surmontée d'un bonnet phrygien qu'on voit ici. Et donc qui montre bien la volonté de la commune de s'inscrire dans ce nouveau régime et en négatif du coup d'oublier l'ancien. Et puis dans toutes les Vosges, on va trouver tout un ensemble de fontaines qui vont être construites et qui vont rappeler les différents régimes politiques qu'on va voir tout au long du 19e siècle. Donc là par exemple, on a un projet de construction de deux fontaines à Mâconcourt, donc une fontaine de la paix et une fontaine de la reconnaissance, qui font écho donc au consulat, dont une des démarches principales va être de rétablir la paix après les guerres révolutionnaires. On a également ici un bas-relief, par exemple, à Saint-Ouen-les-Parets sur le lavoir, qui reprend les symboles de la Deuxième République. Ici, à Longchamp, sous Châtenois, on a une mention à Louis-Philippe, premier roi des Français, donc qui référence à la monarchie de Juillet. Et puis on a comme ça plusieurs exemples qui vont reprendre la Restauration, le Second Empire, etc. Et puis parfois on a des valeurs aussi un petit peu plus larges, par exemple la paix, la reconnaissance, la liberté. Alors les fontaines commémoratives que je viens de vous présenter ont été construites dans une optique commémorative dès leur construction, mais on a aussi quelques exemples de fontaines ou de lavoirs qui sont devenus des lavoirs commémoratifs un petit peu après coup, parfois un peu malgré eux, parce qu'ils ont été témoins d'événements historiques. C'est le cas notamment du lavoir ici de Romain-aux-Bois, qui est un lavoir tout à fait typique du milieu du 19e siècle. Mais vous voyez, toute la partie arrière ici et la toiture ont été reconstruites récemment, puisque le lavoir a été bombardé donc en 1940. Et lors de ce bombardement, une fillette de 11 ans, Marthe Pain, et trois femmes ont été blessées. Et la fillette est décédée. Et donc, 70 ans après cet événement, la commune a souhaité rappeler cette histoire locale, la remettre en avant, parce qu'elle résonne aussi avec l'histoire internationale. Et donc, la commune a dédié ce lavoir à Marthe Pain et a permis de créer en fait un lieu de mémoire dans ce lavoir et un lieu de rassemblement de la communauté villageoise. Alors c'est vrai que les fontaines que je vous ai présentées aujourd'hui sont pour la plupart anciennes. Elles ont progressivement, au fur et à mesure du temps, perdu de leur utilité, au fur et à mesure de la mise en place de systèmes d'adduction d'eau. Les fontaines de dévotion également, elles ont progressivement été abandonnées au fur et à mesure des progrès de la médecine, au fur et à mesure de l'abandon ou du recul des croyances. Et c'est vrai que la plupart des fontaines et lavoirs aujourd'hui sont un peu relayés au rang de décoration, d'accompagnement du cadre de vie. Et c'est vrai que leur ajouter, ou en tout cas leur donner une fonction de mémoire, de porteur de mémoire, permet aussi de les pérenniser, en tout cas d'y contribuer. Et puis je voudrais juste finir en vous présentant justement une des fontaines les plus récentes des Vosges, qui a été construite justement dans cette optique commémorative, qui est la fontaine du bicentenaire de la Révolution française, donc à Certigny. Et c'est un beau projet qui a été mis en place du coup avec l'ensemble de la commune, avec la participation notamment des écoles, pour donc reprendre à la fois un élément d'histoire et en même temps en faire un lieu de vie quotidien qui continue à fonctionner, donc à la fois en tant que lieu de mémoire et en tant que rassemblement aujourd'hui. Merci.